Raymond Poirier est avec nous en studio pour la chronique Technologie de l'information, puisqu'il est chargé de projet à l'Institut Technologie et Société de l'Université Laval. Je l'ai inversé, hein? Un peu. Institut Technologie de l'information et société. Exactement. Il me semblait aussi qu'il m'en manquait un petit bout. Et Raymond, cette semaine, on parle de quoi? On parle de 3D en histoire. Pour mettre en contexte, en fait, on organise une conférence jeudi qui vient, le 1er mars, à 19h. C'est une conférence grand public, donc ouverte à tous et à toutes, à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est donc, je le rappelle, à partir de 19h. Et on va se poser une question autour de l'utilisation de la 3D dans le domaine des sciences historiques. En fait, la conférence s'intitule « Comment la 3D fait renaître le passé ?» Et pour nous donner quelques pistes de réflexion pour mettre la table en route vers cette conférence-là, eh bien, au bout du fil, on a le conférencier. Il est étudiant au doctorat en histoire à l'Université Laval et à l'Université de Bordeaux 3. Mathieu Rochelot, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, puisqu'on parle avec un historien, on va faire un peu d'histoire. Alors, l'utilisation d'approches tridimensionnelles dans les sciences historique, ça remonte à loin, ça date pas d'hier. Il y a toute l'idée, notamment des maquettes, là. Oui, en effet, si on parle de 3D, seule l'application informatique est nouvelle. Ça fait longtemps, donc, qu'on s'est rendu compte que la 3D peut être un excellent moyen pour comprendre des informations ou leur organisation et aussi pour les transmettre. Donc, au début du siècle, il y a eu des maquettes qui ont commencé à se faire en lien avec des sites archéologiques, notamment pour Rome. Donc, il y a deux gigantesques maquettes de Paul Bigot et d'Italo Gismondi qui ont commencé à modéliser la Rome antique, donc de 320 avant notre ère, pour essayer de représenter l'état de la connaissance. Ça fait relativement longtemps. Là. Et en même temps, il y a un pont naturel qui se fait entre ces maquettes-là et les maquettes 3D, exemple de Rome, parce que je crois qu'elles ont servi de base, justement, pour l'approche technologique qui est venue par la suite. Oui, en effet, le projet Rome Reborn, qui est un des projets les plus connus de modélisation 3D en sciences historiques, utilise on numérisait la maquette d'Italo Gismondi pour faire la base, si on veut, de la représentation 3D. Et on a intégré des modèles plus fins qui ont été entièrement modélisés de monuments plus connus. Et en fait, la maquette sert de tissu urbain là, pour intégrer les modèles dans un environnement urbain qui permet de les situer dans leur contexte global, si on veut. Et M. Rochelot, quand on parle de numérisation et de modélisation, il y a une différence là, en 3D. Oui, en fait, là, si on continue avec cet exemple-là, la maquette a été numérisée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on acquiert des données qui sont existantes. Donc, que ce soit un objet ou un site en entier, on peut aussi numériser un site archéologique complet si on veut. Et tandis que la modélisation, c'est beaucoup plus une étape qui est moins technique, de restituer l'inexistant à partir de sources diversifiées, donc que ce soit des sources écrites, des sources iconographiques. Donc, qui nécessite une méthodologie ou une réflexion qui est propre aux chercheurs en sciences historiques, donc appuyée sur des sources qui en fait pour représenter ce qui n'existe plus. Exactement. Donc, dans le fond, la numérisation, c'est qu'on met en 3D ce qui existe déjà, tandis que la modélisation, on met un groupe de chercheurs ensemble. Ceux-ci réfléchissent à voir de quelle manière une structure qui est référencée en archéologie, qui est référencée en littérature, exemple, comment elle pourrait être réelle, de quoi elle aurait l'air, dans le fond. Oui, en fait, c'est plus une opération de visualisation des données sous un nouveau jour, un nouvel angle. Une représentation qui devient forcément plus intuitive pour mieux la comprendre, comme on le fait un peu avec les systèmes d'information géographique, donc de représenter des éléments dans l'espace sur une carte. Et c'est intéressant parce que dans un cas comme ça, la 3D devient un peu le langage commun à plusieurs disciplines, parce qu'il n'y a pas que des historiens, il y a des archéologues, des historiens de l'art, des architectes, etc. Oui, le modèle 3D devient vraiment un catalyseur, ou en fait l'élément auquel tout le monde peut se regrouper et discuter. Donc on part tous de la même base, et là on parle de la même chose si on veut tenter d'interpréter les différentes sources. Le modèle 3D permet là, d'échanger plus facilement sur ces sources-là. Et est-ce que c'est là, selon vous, le principal avantage de ce médium-là, le principal avantage de l'utilisation de la 3D en sciences historiques? Oui, vraiment. C'est outre la mise en valeur, là, parce qu'il y a comme deux groupes d'avantages, là, si on peut dire. Un, c'est plus la mise en valeur là, pour le grand public, la diffusion de l'information historique. Et si on parle plus de recherche, la modélisation offre beaucoup d'avantages là, en ce qui concerne l'organisation de la connaissance. Mm-hmm. On peut juger de la qualité ou de la quantité des sources aussi. aussi, par exemple. Et c'est aussi ce que fait Rome Reborn. C'était leur objectif au départ. Là. Donc, il y a un côté recherche, il y a un côté grand public aussi. Dans le fond, les deux, autant numérisation, modélisation peuvent aller de pair, autant on peut faire des travaux comme ça et pour la recherche et pour le grand public. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Au départ, ça a commencé vraiment avec ce qui nous semblait le plus évident, donc la diffusion ou la mise en valeur. Et tranquillement, à force d'expérience et aussi que les technologies se raffinent et deviennent plus performantes, on s'est rendu compte qu'on pouvait, en modélisant nos données, faire de nouvelles découvertes ou en faisant des simulations aussi, découvrir de nouvelles choses ou faire parler les sources d'une façon différente. Et j'imagine que ça change aussi le travail de l'historien. On ne peut plus travailler comme on travaillait avant. Ça dépend de... Pour ceux qui sont engagés dans cette voie-là, c'est certain. Ça reste quand même confiné à un petit cercle là, de spécialistes. Donc, à court terme, ça va rester une spécialisation. À long terme, est-ce que ça va transformer le travail de l'historien? C'est toujours dur de se projeter dans le futur. Si on imagine que éventuellement toutes les sources seront numérisées ou liées à un endroit précis dans le temps ou dans l'espace, bon, on pourrait croire, oui, que la 3D pourrait amener les historiens tous les chercheurs en sciences historiques. Là, j'emploie le mot historien pour parler de tous les chercheurs. Et donc, dans ce contexte-là, Mathieu Rochaud, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que comme les technologies évoluent rapidement, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Donc, dans le fond, pour l'instant, l'histoire, est-ce qu'on dirait qu'elle est en mode un peu rattrapage par rapport à ces technologies-là ou on est quand même à la pointe, justement, des avancées récentes? On est à la pointe. Forcément, il y a une période de rattrapage. Ça a recommencé avec plutôt les archéologues qui numérisaient les ruines ou les vestiges, qui ensuite modélisaient par-dessus cette numérisation-là et modélisaient les sources qu'ils avaient pour se représenter les monuments qui existaient dans le passé. Et l'histoire, c'est tranquillement intégré à cette... à ce processus-là de modéliser strictement des sources littéraires ou des sources iconographiques. Et il y a plusieurs projets qui sont franchement très intéressants dans ce domaine-là. Il y a le projet d'Usine 3D, donc un groupe en France qui modélise des sources iconographiques, des sources écrites par rapport à une usine de Renault de 1920. Et ils modélisent la chaîne d'assemblage pour... et ça leur permet de mieux comprendre le travail de la chaîne de montage, l'organisation du travail, etc. Et de faire quelques nouvelles découvertes en passant aussi. Et c'est extrêmement stimulant aussi, j'imagine, de voir que l'utilisation de la 3D n'est pas limitée seulement à l'Antiquité ou aux périodes plus reculées, mais on peut l'utiliser dans l'histoire moderne, dans le fond, ou presque moderne. Oui, tout à fait. Surtout si on continue avec l'usine 3D, on est vraiment dans la micro-histoire industrielle. Donc, on a vraiment quitté l'Antiquité, là, ce qui était vraiment le dada au départ. Là. Donc, on numérisait beaucoup les vestiges. Et maintenant, ça s'adresse à tout domaine en histoire. Et pour arriver à des modèles comme ça, on a glissé quelques indices tout à l'heure, mais dans le fond, on prend des sources littéraires, on y va avec des sources archéologiques, on fait des photos. Je veux dire, comment ça marche? C'est quoi un peu la démarche scientifique derrière la numérisation ou la modélisation? La numérisation, c'est vraiment juste d'acquérir les données qui existent, là, comme je disais tout à l'heure. Mm-hmm. Mais ensuite, en modélisation, c'est vraiment de regrouper un panel d'experts qui vont analyser les différentes sources, qui vont y aller à tâtons en interprétant les sources. Et une fois qu'on a un premier modèle de fait, il devient un vecteur là, sur lequel, une base sur laquelle tout le monde peut discuter pour faire avancer les choses. Et en réunissant des experts, des historiens, des architectes, mais aussi des ingénieurs, des archéologues, des informaticiens, évidemment, et ça permet de faire avancer le travail. Et à partir d'outils informatiques qui sont difficiles d'accès ou au contraire qui sont de plus en plus facilement, de plus en plus répandus, dans le fond, accessibles? Oui, c'est de plus en plus accessible, mais il y a beaucoup d'outils libres de droit ou gratuits qui existent. Juste en numérisation, il y a quelques années, il fallait prendre un laser là, qui pouvait coûter des centaines, peut-être 100 000 $. Aujourd'hui, on peut le faire avec un appareil photo numérique, évidemment, tout à fait normal. Et on a des logiciels gratuits qui permettent d'assembler les photos pour faire un nuage de points en 3D. Mmh. Le grand public peut même aller, peuvent le faire avec PhotoSynth, une application de Microsoft. Donc, ils peuvent aller télécharger leurs photos et ça va recréer l'environnement en 3D. Donc, il y a plein d'outils là vraiment de plus en plus intéressants. Et en modélisation, il y a Google SketchUp qui est la base. qui est gratuit. Sinon, on peut prendre Blender si quelqu'un est très courageux, partir de zéro. Blender, c'est un excellent logiciel de modélisation qui est gratuit, mais qui est assez difficile d'approche. Et Mathieu Rochelot, en route vers la conférence de ce jeudi 1er mars à 19h, est-ce qu'il y a on aurait des sites à proposer, des éléments que les auditeurs auditrices pourraient aller voir pour peut-être continuer à se préparer, à voir un peu ce qui se fait avant de l'entendre, ce que vous avez à en dire de manière un peu plus détaillée? Il y a deux projets qui sont très intéressants, qui sont accessibles sur Internet. Ils pourraient parcourir les modèles 3D dans Google Earth. Il y a le projet Rome Reborn, comme on parlait tantôt. Donc, vous pouvez taper juste Rome Reborn dans un moteur de recherche, vous allez le trouver facilement. Et même chose pour Digital Karnak, qui est un site archéologique en Égypte, où on peut aussi parcourir le modèle 3D, voir les sources sur lesquelles les chercheurs se sont basés pour faire le modèle. Et ça, c'est des modèles, j'imagine, qui sont évolutifs, puisqu'on allie recherche et diffusion. Donc, il y a plusieurs versions. La maquette virtuelle évolue, progresse au fil des années. Oui, en effet, c'est la grande force du numérique. L'ouvrage n'est jamais terminé, on peut toujours l'améliorer. Les nouvelles technologies aussi, on peut toujours nous permettre de faire de nouvelles choses aussi. Donc, effectivement, c'est toujours en évolution. Et donc, d'où l'importance de continuer à la surveiller et pour les chercheurs, comme vous faites partie, de continuer à l'intégrer et par extension, à comprendre aussi les possibilités qui sont ouvertes, qui sont offertes avec ce médium-là. Oui, tout à fait. On est encore à l'étape de comprendre ce qu'on peut faire. On est aussi à l'étape de vendre un peu l'idée aux chercheurs que ça peut être quelque chose de très intéressant, qui est pas juste qu'on peut faire de la recherche très sérieuse avec la 3D, faire des découvertes intéressantes. C'est pas juste un outil pour diffuser ou amuser le grand public. Là. C'est vraiment un outil très intéressant pour les chercheurs. Et on invite donc le grand public à venir explorer, à venir réaliser, à venir découvrir ces possibilités-là avec la conférence « Comment la 3D fait renaître le passé ». Je le rappelle, c'est jeudi 1er mars, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Leroy. On peut réserver enfin en appelant à la bibliothèque 641-6789, poste 128, mais on peut également simplement se présenter là, à la porte. Donc, je le rappelle, c'est à 19h ce jeudi. On aura l'occasion donc d'y entendre Mathieu Rochelot, qui est étudiant au doctorat en histoire à l'Université Laval et à l'Université de Bordeaux 3. Mathieu, merci. Merci à vous. Et à jeudi. Au revoir. Et Raymond Poirier, bien, c'est à mon tour de te remercier pour cette chronique de technologie de l'information. D'ailleurs, on peut les réentendre sur le site de l'ITIS. Oui, à itis.ulaval.ca. Et si les gens veulent avoir plus d'informations sur la conférence, c'est également disponible sur le portail donc, de l'Institut. Alors, on se retrouvera la semaine prochaine. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.